Un peu de liberté vraiment n'est qu'un doux dédommagement pour un mari qui gentiment mène une vie modèle. Je conviens en réalité que toi tu dois pouvoir compter sur quelque peu de liberté puisque tu m'es fidèle. Même lorsque je danse, c'est de toute évidence. Fais danser toutes celles que tu voudras. Ta femme est bien, oublie-la, ça ne fait rien pendant que toi tu te pavaneras dans les bras de toutes les femmes que tu verras. Excite-les tant que tu pourras. Fais le fou tout en soule à condition que lorsque tu auras fait danser toutes celles que tu voudras, c'est avec moi tu rentres. Si devant tes yeux un beau jour, à d'autres je faisais la cour, n'aurais-tu pas, ô mon amour, de sujet de te plaindre? Tant que je serai là pour voir, avec quel tact et quel savoir, tu sais remplir tout ton devoir, tu n'auras rien à craindre. Mais si l'heure est tardive, j'attendrai pas si... Oh très bien alors, fais danser toutes celles que tu voudras. Ta femme est bien, oublie-la, ça ne fait rien, pendant que toi tu te pavaneras dans les bras de toutes les femmes que tu verras. Excite-les tant que tu pourras. Fais le fou tout en sous, mais souviens-toi qu'après que tu auras fait danser toutes celles que tu voudras, c'est ta femme qui en profitera.